Thank you. voix de maman. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je compterais les mots tant pour toi. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je te compterais les mots tant pour toi. Thank you.

depuis hier. Putain, je peux pas faire l'enfant. Mais bon, c'est pas. Reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Et pour les mecs. Bon, time for me to go to sleep. Have